Mais, comme nous venons de le voir, ces langues nationales sont des dérivées plus ou moins proches du latin, et celles qui en sont le plus proches se sont répandues dans le monde entier, avec 274 millions de francophones, notamment au Canada et dans de nombreux pays d'Afrique, 361 millions d'hispanophones, la majeure partie en Amérique latine, 196 millions de mulusophones, raccourci de lusitanophones, Lusitania étant le nom latin du Portugal, les plus nombreux étant au Brésil. Le latin, donc, redevenant langue européenne, ne serait-il pas un excellent moyen pour communiquer avec ces plus de 800 millions de personnes?